Juge chapitre 2. Or l'ange de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim, et dit, je vous ai fait monter hors d'Égypte, et je vous ai fait entrer au pays, dont j'avais juré à vos pères, et j'ai dit, je n'enfreindrai jamais mon alliance que j'ai traitée avec vous. Et vous aussi vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays, vous démolirez leurs autels, mais vous n'avez point obéi à ma voix, qu'est-ce que vous avez fait? Et j'ai dit aussi, je ne les chasserai point de devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront en piège. Et il arriva qu'aussitôt que l'ange de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva sa voix, et pleura. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu la Bokim, et ils sacrifièrent là à l'Éternel. Or Josué avait renvoyé le peuple, et les enfants d'Israël s'en étaient allés chacun à son héritage, pour posséder le pays. Et le peuple avait servi l'Éternel tout le temps de Josué, et tout le temps des anciens qui avaient survécu à Josué, et qui avaient vu toutes les grandes œuvres de l'Éternel, lesquelles il avait faites pour Israël. Puis Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, était mort, âgé de 110 ans. Et on l'avait enseveli dans les bornes de son héritage à Tanatéré, en la montagne d'Éphraïm, du côté du septentrion de la montagne de Gara. Et toute cette génération aussi, avait été recueillie avec ses pères, puis une autre génération s'était levée après eux, laquelle n'avait point connu l'Éternel, ni les œuvres qu'il avait faites pour Israël. Les enfants d'Israël donc firent, ce qui déplaît à l'Éternel, et servirent les Baalins. Ayant abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui étaient autour d'eux, et ils se prosternèrent devant eux, ainsi ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent donc l'Éternel, et servirent Baal et Astaroth. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les livra entre les mains de gens qui les pillèrent, et il les vendit en la main de leurs ennemis d'alentour, de sorte qu'ils ne purent plus se maintenir devant leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux en mal, comme l'Éternel en avait parlé, et comme l'Éternel le leur avait juré, et ils furent dans de grandes angoisses. Et l'Éternel leur suscitait des juges, qui les délivraient de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils ne voulaient pas même écouter leurs juges, ils paillardaient après d'autres dieux, ils se prosternaient devant eux, ils se détournaient aussitôt du chemin par lequel leur père avait marché, obéissant au commandement de l'Éternel, mais eux ne faisaient pas ainsi. Or quand l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était aussi avec le juge, et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant tout le temps du juge, car l'Éternel se repentait pour les sanglots qu'il jetait à cause de ceux qui les opprimaient et qui les accablaient. Puis il arrivait que quand le juge mourait, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père, allant après d'autres dieux pour les servir, et se prosterner devant eux, ils ne diminuaient rien de leur mauvaise conduite ni de leur train obstiné. C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il dit, parce que cette nation a transgressé mon alliance que j'avais commandée à leur père, et qu'ils n'ont point obéi à ma voix, aussi je ne déposséderai plus de devant eux aucune des nations, que Josué laissa quand il mourut, afin d'éprouver par elles Israël, et voir s'ils garderont la voie de l'Éternel pour y marcher. Comme leurs pères l'ont gardé, ou non. L'Éternel donc laissa ces nations-là sans les déposséder sitôt, et il ne les livra point entre les mains de Josué.